Chapitre 8. Le jour même du retour de Ghislaine à Chambray, Lady Cappadoce voulut arranger avec elle la reprise des leçons telles qu'elles avaient lieu avant le départ pour la Hollande et dresser tout de suite un horaire immuable. Elles étaient la justification de son pouvoir, ces leçons. Aussi y tenait-elle. Déjà, elle avait vu messieurs Lavalette et Casparis qui avaient donné leurs heures. Quant à Nicétas, il avait quitté Paris pour l'Amérique du Sud, le Brésil, la Plata, le Pérou, où il donnait des concerts dont les journaux parlaient avec enthousiasme, disait Soupère. Il faudrait donc le remplacer, ce qui d'ailleurs serait facile. Elle s'était entendue à ce sujet avec Soupère, qui recommandait un jeune Hongrois du plus grand talent. Mais les choses n'allèrent point ainsi. Par le seul fait de l'installation de M. de Chambray au château, les habitudes d'autrefois se trouvaient changées du tout au tout. C'était le comte qui était le maître désormais, et tout devait être subordonné à son agrément. On ne pouvait pas lui imposer la vie de travail et de retraite d'autrefois, qui seule permettait d'assurer la régularité des leçons. Le sacrifice qu'il faisait en abandonnant Paris était assez grand pour qu'on lui en fût reconnaissant sans marchander, et pour cela il fallait l'amuser, le distraire et se remettre entièrement à sa disposition, en étant toujours prêt à faire ce qu'il voudrait, à le suivre où il lui plairait d'aller, à recevoir qui il voudrait inviter. Lady Cappadoce avait été positivement renversée. Mais les leçons ? Je n'y renonce pas, bien qu'à 19 ans je puisse peut-être employer mon temps autrement. J'aime le travail, au moins certaines études, et je serai toujours heureuse de leur donner les heures dont je pourrai disposer. Ainsi nous verrons à nous entendre avec M. Lavalette et M. Casparis. Et le Hongrois que m'a recommandé Soupère ? Interrompit Lady Cappadoce, poussée par la passion musicale. Pour la musique, nous attendrons. Je travaillerai seule quand l'envie m'en prendra. Plus tard, nous verrons. En ce moment, je ne veux prendre d'engagement qu'avec la certitude qu'ils ne gêneront pas mon oncle. La musique ne le gênerait pas plus que la littérature ou la sculpture. Il fallait que Ghislaine justifiât son refus. Peut-être l'ennuierait-elle davantage. C'est vrai, M. de Chambray n'aime pas la musique, dit Lady Cappadoce avec un mélange d'aigreur et de compassion. Je dois donc la lui éviter. C'est M. de Chambray qui a pris ses nouveaux arrangements ? Non, c'est moi, pour lui être agréable, et je vous serai reconnaissante de les faciliter. Si ce n'était pas M. de Chambray qui avait pris ses nouveaux arrangements, au moins était-ce lui qui, sans en avoir l'air, les avait inspirés à Ghislaine. Lorsque, dans leur long tête-à-tête de Bagaria, ils avaient parlé de leur retour en France et que M. de Chambray avait annoncé son intention de se fixer au château, Ghislaine s'en était inquiétée. Sans doute, elle était touchée de cette nouvelle marque de tendresse, mais connaissant les goûts mondains de son oncle, elle ne pouvait pas ne pas se demander comment il s'habituerait à la vie de la campagne monotone et régulière. S'il avait pu depuis plusieurs mois accepter cette existence peu faite pour lui, c'était sous le coup de la nécessité. Mais à quelques pas de Paris, comment la supporterait-il ? Franchement, et après l'avoir remercié avec une effusion toute pleine de gratitude émue, elle lui avait fait part de ses scrupules. C'était là que le comte, qui lui aussi la connaissait et savait qu'elle n'était pas de caractère à ne penser qu'à elle, égoïstement, l'attendait. « Certainement, la vie des champs n'est pas précisément pour me plaire. Mais pourquoi veux-tu que cette vie soit fatalement monotone, régulière et retirée ? Ces conditions ne me paraissent pas obligatoires. Comment serait-elle autre ? En la changeant ? Cette vie, tu l'as menée depuis que tu as perdu ton père et ta mère, parce que tu n'étais qu'une petite fille. Mais l'âge est venu. Tu n'es plus une enfant qu'on couche à 9 heures. Tu es émancipée, ne l'oublie pas. Pourquoi n'aurais-tu pas quelquefois au château d'anciens amis, des membres de notre famille, des camarades à moi, qui ouvriraient un peu cette retraite si étroitement fermée et égaieraient cette monotonie ? Est-ce donc possible ? Quand on est dans ta position, quand on a ton nom, tout est possible et tout est faisable. Il n'y a qu'à vouloir. Je veux tout ce qui peut vous être agréable. Eh bien, nous verrons arranger cela. Je ne suis pas si exigeant pour les plaisirs que tu l'imagines. J'avoue que Chambray tout nu n'est pas très récréatif, mais Chambray animé, égayé, c'est différent. Et d'ailleurs, ce qui sera bon pour moi le sera pour toi aussi. C'était dans ce dernier mot que se trouvait la raison déterminante qui avait suggéré l'idée de M. de Chambray. Depuis l'aveu de Ghislaine, il n'avait prononcé qu'une seule fois le nom du comte d'Unières, et au trouble qu'elle avait laissé paraître, il avait compris qu'elle croyait que le mariage dont il l'avait entretenu était maintenant à jamais impossible, ce qui était pour elle une douleur d'autant plus grande qu'elle aimait le comte, ou en tout cas qu'elle désirait vivement ce mariage. Qu'il essayât de lui prouver qu'elle se trompait, il ne réussirait point à ébranler un sentiment contre lequel les raisonnements les plus adroits seraient sans influence, précisément par cela même que c'était un sentiment. Elle se jugeait indigne de Dunière, et rien de ce qu'il dirait en ce moment n'agirait sur elle. Il n'y avait donc rien à dire. Il fallait agir doucement et sans rien brusquer. De là cette idée de rendre le séjour de Chambray moins triste. Dunière, que dans les circonstances présentes il était impossible d'inviter seule, viendrait avec les autres amis, et l'amour ferait le reste. La première entrevue serait cruelle pour Ghislaine, la seconde le serait un peu moins, et elle désirerait, elle attendrait la cinquième ou la sixième. Alors il serait temps de revenir au projet de mariage, et il aurait deux alliés, le comte d'abord, Ghislaine ensuite. Comment ne gagnerait-il pas la bataille ? Enfin, il pourrait respirer. Il serait libre. Fou, il avait été de s'imaginer que l'émancipation lui donnerait cette liberté. Quand Ghislaine vit sur la liste des invités qu'il lui communiqua le nom du comte d'Unières, elle ne fut pas maîtresse de retenir une exclamation douloureuse. « Vous avez invité M. d'Unières ?» Il évita de la regarder. « M'était-il possible de faire autrement ?»« Mais après ce qui s'est passé... » C'est justement sa demande et ce qui s'est passé qui m'obligeait à l'inviter. Depuis notre départ pour la Hollande, je ne t'ai pas parlé de lui, mais tu dois comprendre qu'au point où en étaient les choses, nous ne pouvions pas entreprendre un voyage en Hollande et surtout celui d'Italie sans que je lui donne des explications. Des explications ? Après t'avoir parlé de lui et de son projet de mariage, je lui avais écrit que lorsqu'il rentrerait à Paris, son élection faite, nous examinerions ce projet qui me semblait pouvoir se réaliser à mon grand contentement. Vous avez dit cela ? N'était-ce pas la vérité ? Et pouvais-je à ce moment lui tenir un autre langage ? Il désirait t'épouser. Tu étais favorable à sa demande. Moi-même, je souhaitais ce mariage. Je ne pouvais que lui dire « Arrivez, je vous attends ». Et au lieu de l'attendre, nous sommes partis. Il fallait une explication ou bien nous paraissions nous sauver pour rompre. N'était-ce pas le mieux ? Je ne l'ai pas cru. Dunières ne méritait pas cette injure, et je n'étais pas en disposition d'en faire à un homme tel que lui, que j'estime et que j'aime. Je l'ai donc prévenu que nous partions en voyage par ordonnance du médecin. Il me fallait bien un prétexte. Depuis, nous sommes restés en correspondance. Il m'a écrit, je lui ai répondu. Il m'a parlé de toi, je lui ai donné des nouvelles de ta santé. Nous rentrons. La première personne que je dois voir, c'est lui. Et après ? C'est au présent qu'il fallait penser. Après, nous aviserons. Je vous assure qu'il m'est très pénible de me trouver avec M. Dunières. Je n'avais pas besoin que tu me le dises pour le savoir, mais cette impression pénible se calmera et passera. Le mot qui vint sur les lèvres de Ghislaine fut « Avez-vous donc l'intention de l'inviter souvent ?» Mais elle le retint, ne voulant pas paraître intervenir dans le choix des invités de son oncle. « N'est-il pas à craindre ?» demanda-t-elle, que M. Dunières vous entretienne des intentions qu'il avait il y a un an ? Il ne peut pas ne pas m'en entretenir. Et alors ? Je répondrai ce que tu voudras. Vous sentez comme moi que ce mariage est impossible ? J'ai mes idées à ce sujet, qui peuvent différer des tiennes. Mais puisque tu trouves qu'il est impossible, je le dirai. Seulement ce ne sera pas dans ces termes, car possible il y a un an, il ne peut pas être devenu tout à coup impossible. Il faudrait des raisons, et je n'en ai pas à donner. Je m'en tirerai donc, tant bien que mal, par des échappatoires. Les médecins conseillent de ne pas te marier trop jeune. Enfin, je gagnerai du temps. Il faudra toujours se prononcer à un certain moment. Il peut arriver que Dunières comprenne qu'on ne veut pas de lui et qu'alors il se retire. Et s'il ne se retire pas ? S'il ne se retire pas, c'est qu'il t'aime d'un sentiment sérieux, profond, et dans ce cas ce sera à toi de voir comment tu veux répondre à cet amour. Mais pour le moment nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. En vertu de certaines idées, dont je sens toute la force, tu crois devoir renoncer à ton mariage avec Dunières. Avec lui et avec tout autre. Il ne s'agit que de lui présentement. Si je ne romps pas ce mariage brusquement, parce que je ne pourrais le faire qu'en te compromettant ou en blessant d'unière, je la journe, et c'est, il me semble, l'essentiel. » Ce ne fut en effet que d'un simple ajournement qu'il fut question entre M. de Chambray et le comte d'Unière, et les raisons les meilleures s'enchaînèrent pour le justifier. Si M. de Chambray avait accueilli avec empressement ce projet de mariage, c'était d'abord par estime et par amitié pour le mari qui se présentait, et ensuite parce qu'il trouvait qu'à 18 ans, Ghislaine était parfaitement en âge de se marier. Mais quand l'indisposition qui avait nécessité leur voyage en Italie l'avait mise en relation avec des médecins, il était revenu sur cette opinion. S'il est des jeunes filles qui peuvent, sans inconvénient, se marier à 18 ans et même à 16, il en est d'autres pour lesquelles les mariages précoces sont dangereux et qui, avant de s'exposer aux fatigues de la maternité, doivent attendre leur complet développement qui, pour la Française, n'a lieu qu'entre 22 ou 23 ans. Sans doute, Ghislaine n'était ni chétive ni maladive. Cependant, elle se trouvait dans ce cas. Et s'il n'était pas indispensable qu'on attendît ses 23 ans pour la marier, cependant, plus ce mariage serait retardé, mieux s'en trouverait sa santé. À cette raison, d'un ordre physique, s'en joignait une autre de l'ordre moral non moins grave pour M. de Chambray. S'il désirait que Ghislaine se mariât et épousât le comte d'Unière, il ne voulait cependant pas la marier à lui tout seul et sans que par un choix librement fait, elle s'unît à lui. Comment choisir quand on ne connaît personne et qu'on n'a pas vu le monde ? En ce moment, Ghislaine accepterait un mari des mains de son oncle. Elle ne le prendrait pas elle-même, ce que justement il voulait. De là la vie nouvelle qu'il avait adoptée. Elle verrait, elle comparerait, et quand elle se déciderait, ce serait en connaissance de cause. « Maintenant, mon cher, continua M. de Chambray en serrant la main de Dunière, après ces explications, le mariage dépend de vous et est entre vos mains. Faites-vous aimer. Si j'en crois certains indices, j'espère que cela ne vous sera pas difficile, et personne n'est dans de meilleures conditions que vous.